éléphant. Tout bateau, je m'appelle Pierre-Jean, on m'appelle Jeannot. Le plus important pour moi dans la vie, c'est d'être content sans se faire de soucis. Padam, padam, padam, padam, chantons ensemble ces quelques mots. Padam, padam, padam, padam, dansons ensemble la valse de Jeannot. Je ne veux pas d'amis, ni de grands, ni de petits. Tu es bien minime, mais alors qu'est-ce qu'on rit? La vie c'est le bonheur, t'as qu'à ouvrir ton cœur. Y'a rien de plus aisé, aimer, rire et chanter. Padam, padam, padam, padam, chantons ensemble ces quelques mots. Padam, padam, padam, padam, dansons ensemble la valse de Jeannot.